C'est énergique de l'intelligence. C'est pré-personnel. Mais nous autres, au début, on a des sentiments spirituels. Fait qu'automatiquement, on a de la misère à dépersonnaliser ou à pré-personnaliser de l'intelligence. Parce qu'on a peur de l'orgueil, on a peur de... Mais avec le temps, on en vient à pré-personnaliser l'intelligence, puis automatiquement, on vit simplement d'énergie. De l'énergie. Mais il ne faut jamais les écouter dans une transaction humaine, donc. Il faut qu'on soit suffisamment tourné à l'énergie pour savoir que ce qu'on fait, c'est ça. Pour être sûr d'être sûr. Mais tant qu'on n'est pas sûr d'être sûr, le mécanisme antérieur, c'est celui de discuter avec eux autres, de voir leur point de vue. Ils vont vous en donner un point de vue. À ce moment-là, attends. Si t'en donnes pas, c'est un peu comme intelligent. Oui, mais ça dépend de chaque personne. Ils peuvent pas communiquer avec toutes les personnes. Puis d'abord, le phénomène de communication, c'est un phénomène qui est bien... Le phénomène de communication, c'est un phénomène qui est bien... C'est à vous autres de savoir avec qui vous avez affaire. Communiquer avec l'astral, c'est bon si tu communiques avec des êtres évolués, mais ça peut créer des problèmes. On n'a pas besoin de communiquer. On est engagé. Mais au moins, quand on est conscient, c'est une affaire d'ajustement, ça. Quand on est bien conscient, à ce moment-là, tu peux communiquer avec eux autres, mais ça concorde toujours avec toi ici. Faut que ça concorde avec toi ici, tout le temps, la communication. Si ça concorde pas, à ce moment-là, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait sous vos corps. Puis le travail, ben, ça prend des années que ça prend. T'as des lunettes comme les miennes? C'est ça? L'affaire de communication, là, c'est bien particulier à chaque individu. Il n'y a pas un individu qui communique pareil. C'est vibratoire. C'est pour ça que je dis, cassez-vous pas tête avec la communication. Seulement, si vous voulez la communication, ça fait partie de votre plan de vie, ça fait partie de votre, des relations entre les états et vous autres. Si vous communiquez pas, ça fait encore partie de la relation entre les états et vous autres. Ce qui est important pour nous autres, c'est pas nécessairement de communiquer dans le sens de communiquer ou de parler avec, c'est de savoir que nos pensées viennent d'ailleurs. Que nos pensées sont réellement créatives. Quand tu fonctionnes de même, t'es déjà dans la sécurité de ton ego. De temps en temps, mais là, ils vont te parler. Puis après ça, ben, ils te remettent sur une autre vibration. Parce que communiquer avec eux autres, tout le temps, faut avoir une grande résistance mentale. Pour communiquer tout le temps avec eux autres, là. Communiquer avec eux autres, on dirait que ça désorganise la personnalité complètement. C'est bon ou c'est pas bon? Ils disent c'est bon quand c'est le temps. T'sais. Moi, communiquer avec eux autres, c'est normal, ça fait partie de ma vie, ça me dérange pas. Mais j'ai souffert un mot au dix bout de temps pour en arriver à ce que ça me dérange. Fait que si vous n'avez pas de communication, sachez que vos pensées viennent d'ailleurs, que vous êtes pas prise dans, que vous soyez pas pris dans la subjectivité de vos pensées, c'est ça qui est important. Le reste, la communication, c'est secondaire. Quand je t'entends dire, c'est pas vous autres qui venez, attendre quand ils vont vouloir. Ok. Laissez-moi parler sur ce point-là, parce que je vais m'en parler après. Quand je dis que c'est pas vous autres qui renez, que c'est eux autres qui renaient. Moi, je suis obligé de vous parler par étapes. Je peux pas vous parler aujourd'hui comme je vais vous parler dans 10 ans. C'est normal. Je vous parle par étapes, je vous aide par étapes à comprendre les subtilités des étapes. Plus on avance vers la fusion, c'est pas une affaire que c'est eux autres qui runnent, puis c'est pas toi qui runnent. C'est un. C'est parce que vous comprenez pas qu'est-ce que c'est l'unité. Vous comprenez pas qu'est-ce que c'est la fusion. Quand c'est fusion, ce qui est en haut en bas. C'est pas une séparation. S'ils veulent, pour une raison ou une autre, te forcer à faire un mouvement, Là, tu vas voir que c'est eux autres qui runnent. Là, ils vont changer tes vibrations, puis là, c'est eux autres qui runnent, puis là, tu vas faire le mouvement. Mais tu vis pas tout le temps de même. Comprends-tu? Mais ils peuvent créer des situations dans la vie où ils vont te montrer que c'est eux autres qui runnent, puis effectivement, ils ont le pouvoir de changer tes vibrations. Mais aussi, ils vont t'amener petit à petit dans la vie à être tellement en harmonie avec eux autres que ils n'auront même pas besoin de faire ça. Tu vas le sentir automatiquement parce que... Pour des changements vibratoires. Quand la vibration est installée, tu vas avec. Quand la vibration est installée, elle grandit, puis elle devient de plus en plus forte, puis de plus en plus forte, mais elle s'ajuste. C'est un ajustement. C'est pas de combat entre deux volontés. Non, non, c'est une volonté. Sans ça, s'il ferait ça tout d'un coup de main, vous seriez fou net. Parce que c'est de l'énergie. Regarde comment ce qui est celui, lui, là. Tu as goûté à ça une pensée? C'est qu'est-ce que c'est? Avant de connaître ce nom mondial, j'étais dans le croissant des bronzes et le pseudo-maître, le croissant des bronzes, il s'en va plutôt, il va le faire, il a déclaré que... Il refusait, pourquoi tu dis pseudo-maître? Donnez-y le respect du passé. Moi, des maîtres, en fait, il a déclaré qu'il refusait la fusion, et puis en refusant la fusion, ça lui permettait d'éterniser son corps, et puis de continuer à évoluer. Et puis, toi, tu dis que dans le supramental, on fait évoluer. Et puis, tu viens de dire tantôt qu'il faut sortir des tracts pour pouvoir pas fusionner, que c'est pas trop bien compris. Parce que j'aimerais savoir la relation entre refuser la fusion. Ça se refuse pas la fusion. Ça se refuse pas la fusion, puis ça vient dans son temps, puis ça se refuse pas la fusion. Ça, c'est de l'orgueil spirituel. Ça se refuse pas la fusion. La fusion, quand ça te croche, quand ça t'accroche, quand ça t'a accroché, là, toi, t'es là, l'énergie, là. Ah, t'essayes-tu de refuser ça? Es-tu capable de refuser ça? Voilà. Ça se refuse pas. Quand c'est temps, paf, tu pars, tu dis. Ça se refuse pas, le fusion. Voilà. Fusée, fusion. Fusée, la fusion. C'est ce qui m'a fait décrocher du croissant des autres. C'est un mot, c'est ça. De tu peux pas refuser la fusion. Tu peux pas fusionner quand tu veux, puis tu fusionnes quand c'est le temps, ainsi de suite. Tu peux pas refuser la fusion, ça fait partie de l'évolution, la fusion. Tous les mortels doivent fusionner. Veux, veux pas, maître, pas maître. Ça fait partie de l'évolution, la fusion. Hé, hey, penses-tu j'ai voulu fusionner, moi? T'as bien mis à l'université. Éterniser les corps, c'est impossible. Si, comme tu dis, après la 7e race, il y a le corps esprit seulement, le corps physique. On en dit à ce point-là, tu n'es pas intéressé à ton corps physique. Ton corps physique, tu le gardes pendant la période d'immortalité, mais quand tu es rendu à l'éternité, je te jure, tu n'es pas intéressé à ton corps physique. Tu as d'autres choses à faire que ça. Éterniser son corps. Commence par l'immortaliser avant. C'est plus que l'immortalité, ouais. Que c'est bien un corps perpétuel, un corps physique perpétuel. J'en ai tenté qu'il y avait deux, les gens, il y avait des chefs, les gens, il y avait des chefs, les gens, il y avait des dans la conscientisation, on a tous un certain nombre de tests. On a tous des souffrances. Moi, j'appelle ça des tests, des souffrances. Mais plus le contact avec l'intelligence se fait, plus l'homme est sujet à vivre des tests dans ce sens que plus il est apte à sentir le pouvoir de l'intelligence sur son intellect. Et c'est ça qui crée. C'est ça qui crée la capacité à l'homme de transmuter très rapidement son énergie astrale. Parce que l'intellect, l'ego va bloquer. S'ils augmentent le pouvoir vibratoire du rayon sur ton intellect, à ce moment-là, l'ego est presque obligé, il n'est pas en fusion encore, mais il est presque obligé de vivre certaines expériences. Puis c'est là que il y a transmutation de corps émotionnel. Ça, pour transmuter l'homme, ils sont obligés de le forcer. Parce qu'il n'y a pas un homme qui voudrait vivre la transmutation s'il ne force pas. On est bien mieux dans notre. Il n'y a pas un homme qui veut souffrir. Il n'y a pas un homme. Fait que s'ils veulent te faire souffrir, ils vont te faire souffrir. Selon ta capacité de souffrir. Il y a un degré que tu prends, tu vas modéliser, tu es obligé de passer au premier étape de fusion. La fusion, ça se fait par étapes. La fusion, ça... Fusionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir un avec eux autres. C'est ça, fusionner. Les égaux ont peur de devenir un avec eux autres. L'ego n'aime pas ça devenir un, parce que l'ego ne veut pas perdre son affaire. Mais ça, ça fait partie de l'illusion astrale de l'ego. Comme je dis d'ailleurs, tu peux pas fusionner parce que tu veux fusionner. Quand c'est le temps, quand ça fait partie de ton plan de vie, tu fusionnes. Penses-tu que le Nazarien s'est dématérialisé tout seul en se mettant une batterie everyday dans les culottes? L'énergie vous vient de quelque part? Non. Non. Il communique selon les conditions de ton évolution et plus tu évolues, plus c'est facile pour lui. Mais même quand c'est facile pour lui, c'est encore difficile pour lui à cause de nos émotions. Puis notre intellect. Si c'est si facile que ça fait longtemps qu'on a été conscient, ça va. Vous me donnez un exemple. On parle des gens qui sont pas capables de parler des mots. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas capables de parler des mots? Parce que la relation de fusion avec eux autres n'est pas assez grande. Plus la relation de fusion est grande avec eux autres, plus c'est facile de parler des mots. Puis ensuite, éventuellement, puis ensuite d'en diffuser, c'est normal. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas vivre, ils ne pourraient pas vivre une relation de proximité avec eux autres trop vite parce que leur corps émotionnel, leur corps mental, les gens craquent. C'est vibratoire. C'est souffrant quand c'est souffrant. Ce qui est le plus fatigant dans toute l'affaire de la conscientisation, c'est que la conscientisation, c'est un phénomène pyramidal. C'est pyramidal. Il y a des êtres qui sont plus en fusion que d'autres, qui vont plus vite vers la fusion, qui sont plus prêts. Il y a des égos, il y a tout ça d'égos, il n'y a pas un égo pareil. Alors, il y a des égos qui sont plus prêts que d'autres égos, qui sont plus prêts à la fusion que d'autres égos. Et comme c'est un phénomène pyramidal et que ce n'est pas un phénomène philosophique, que ce n'est pas un phénomène horizontal, les lois varient ou la condition varie pour chaque individu. C'est pas comme la philosophie. La philosophie, tu donnes ça des... Tu peux en donner à tout le monde, puis tout le monde va en manger, là, ça, c'est comme des céréales. Mais la conscientisation, la conscience, le changement vibratoire des corps de l'homme, ça dépend de chaque individu. C'est plus philosophique. C'est pour ça que ça nécessite tellement d'expliquer, puis de parler en profondeur, puis expliquer les mécanismes, peut-être pas tout ça, pour que les gens comprennent le plus possible les subtilités de leur psychologie, de leurs émotions, de leur mental, de leurs paroles, de leurs actions. Pour accélérer ce processus-là et pour que quand l'énergie vienne, les gens puissent la subir, cette énergie-là, sans souffrir trop pour rien. La philosophie, ça, tout le monde peut en prendre. Si tu as moindrement de bonne mémoire, tu es intéressé à ça, tu peux en prendre. Mais la conscientisation, les gens prennent ça par étapes, ils prennent ça par selon leur degré d'évolution. Moi, j'ai des gens, j'ai de mes amis. Moi, j'ai de mes amis qui me connaissent depuis des années de temps, au début de mon expérience. Et qui comprennent exactement ce que je veux dire. Ils comprennent. Mais ils ont encore de l'énergie émotionnelle qui n'est pas transmutée. Ça les fait souffrir. Mais pourquoi? Pour qu'ils vivent leur vie présentement comme ça, parce que ça sert à mal. Sans ça, leur énergie émotionnelle sera transmutée complètement, puis ils seront dans un autre état de compréhension puis d'action. Ils sont maintenus de même. Pourtant, c'est des gens très conscients. Puis il y en a d'autres personnes, ils n'ont pas ce problème-là. Fait que l'affaire de la fusion, puis l'affaire de la compréhension, puis l'évolution, puis l'intégration d'énergie au système humain, ça varie avec chaque individu. Chaque individu a un plan de vie, puis il faut que ce soit de même. Patati patata, papapapapapapa. Moi, je pourrais vous prendre individuellement, je pourrais dire, toi, il faut que ça soit de même jusqu'à telle année, puis toi, dans telle année, puis toi, il faut que tu meurs, puis toi, tu sais, tout ça. On peut pas créer, on peut pas créer. On arrive à créer des conditions de vie quand tu es capable de contrôler, de travailler, de contrôler cette énergie-là. Là, tu crées des conditions de vie. Vous autres, vous avez une affaire à faire, à apprendre pour le moment. C'est ça qui compte. C'est apprendre à être bien dans votre peau, le plus possible. Si vous en arrivez à être bien dans votre peau, laissez faire la création de vos conditions de vie. Être bien dans votre peau, ça vous permettra de vivre votre vie dans le cadre qui vous est assigné de selon votre plan de vie puis qui correspondra à votre émotivité et votre mentalité. Vous savez bien. Ça n'est pas besoin de créer vos conditions de vie. Pour créer vos conditions de vie, il faut que le niveau de fusion soit assez grand pour détruire en vous toute émotivité. Parce qu'il n'y a plus de conditions. Quand tu es rendu à créer tes conditions de vie, il n'y a plus de conditions. Ouais. Tu n'es plus lié à ta femme, puis ton mari, puis ton beau-frère, puis ta belle-mère. T'sais, si ta femme est fit avec toi, ça marche. Si ça ne fit pas, tu lâches, tu pars, puis c'est absolu, puis c'est radical. Fait que vous n'êtes pas prêts à ça encore. Il y en a encore parmi vous autres qui sont accrochés au carton de leur belle-mère. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, vous autres, la liberté. Vous souffririez bien trop si vous étiez libre. Mais ça, c'est vivre sans condition. Être libre, c'est vivre sans condition. Totalement sans condition. C'est ouais. Dans la vie, c'est dans l'énergie de la vie. C'est des responsabilités. Non. Quand tu es libre, tu n'as aucune responsabilité. Tu crées. Ça coûte automatiquement, tu es responsable. Mais tu n'as aucune responsabilité psychologique. Penses-tu que je suis responsable envers vous autres, moi? Tout le temps, je le suis. Ah. Mais envers vous autres, je ne suis pas responsable envers vous autres quand, dans le fond, je le suis. La preuve que je le suis, c'est que je continue, puis je travaille. Pour amener les gens, pour qu'il y ait suffisamment d'intelligence parmi vous autres, que si je pars, moi, ça continue à faire. C'est ça de la responsabilité. Mais je ne suis pas responsable envers vous autres. Moi, je me crise de vous autres dans la garantie. Pourtant, je travaille. Je n'arrêterai pas tant que je ne serai pas satisfait. Ce n'est pas une responsabilité psychologique. Ça fait partie de la perfection de l'intelligence. C'est différent. T'es responsable de ce que t'es mis. Ben oui, tu peux pas être responsable de ce que t'as fait. De ce que ça fait, parce qu'il y a tout ça de mort. Je dis pas si je disais, bon, mais toi, tu peux venir dans les séminaires, toi, tu peux venir dans les séminaires, toi, tu peux pas, toi, tu viens, toi, tu peux pas, toi, tu peux pas, c'est pas pareil. Ben, je suis pas dans un groupe à ce moment-là. Ça, c'est pas fou. C'est former des cercles initiatiques. Puis j'en ai un cercle initiatique. Fait que je suis responsable de donc. Ces gens-là me suivent toute ma vie. Si je m'en vais en Amérique du Sud, ils viennent à moi. Mais c'est parce que j'ai formé un cercle initiatique. Puis à part ça dans le public. Mais il faut que les gens aient une certaine protection. Puis leur protection, mais c'est un peu de leur émotivité puis un peu de leur mentalité. Sans ça, si vous viviez au niveau de l'énergie, bien, il y a bien des affaires dans votre vie qui sauteraient. Il y a bien des affaires dans votre vie qui sauteraient. Vous ne seriez pas capable d'être, vous seriez malheureux parce que vous n'auriez pas. Il faudra que vous ayez l'intelligence et la volonté pour le supporter. Parce que vivre de l'énergie, c'est pas vivre de pensée. C'est vivre de l'énergie. Là, tu crées des pensées. Tu crées tes propres pensées. Mais tu ne vis pas de pensée quand tu es fusionné. Mais tu en crées des pensées. Les gens sont là, mais bien plus fragiles. Là, ça marche, là, vous êtes sûr, ça marche. Vous êtes bien plus fragiles que vous pensez. Gardez vos jobs un petit peu. C'est rien, ça. Même toi que Brejnev, il se lève un matin du travail. Là. Il s'engueule avec l'autre dans le bois. C'est vrai que ça vibre dans le monde dans ce temps-là. Sécurité, tout ça de sécurité, le système économique, les pensions de vieillesse, votre maison qui a quasiment payée, votre char, votre télévision. Mais vous allez voir que tout à l'heure, ça va pas être aussi facile que ça. Parce que l'homme, tant que l'homme est dans la matière, il aime la matière. Et tant que l'homme est dans la matière et qu'il aime la matière, il est prisonnier de la matière. Il faut que l'homme en arrive à ne pas pouvoir aimer la matière. Mais pour ne pas pouvoir aimer la matière, il faut être totalement détaché de la matière. Autrement dit, il ne faut pas avoir d'aura. Si tu n'as pas d'aura, là, t'es correct. T'es sec. Aussitôt que tu as de l'aura, t'es lié à la matière. Parce que tes sens l'aperçoivent. Tes sens s'y attachent. Complexe, là. Il y en a-t-il un parmi vous tout de suite qui est prêt à donner 1000 pièces sans vibrer? Moi. T'es prêt? Moi. C'est une friend check. Friend check. Y a-t-il besoin? Y en a-t-il un parmi vous qui a besoin de 1000 pièces? Ouais. Tu donneras à elle. Tu donneras à elle. C'est cette ligne. C'est assez pour un soir. Si les gens étaient capables de se servir de l'énergie, les gens ne seraient jamais pauvres. Il y aura toujours de l'énergie pour supporter les gens. Les gens ne travailleront même plus. Mais avant que les gens arrivent à ce stade-là, moi, si je vous dis une chose, si je vous dis que plus vous allez avancer dans l'intelligence, plus vous allez apprendre les lois de l'intelligence, puis plus vous allez apprendre les lois de l'intelligence, plus vous allez être libre dans la vie. Et plus vous apprendrez que quand on est dans l'intelligence, on ne perd rien. Rien. C'est impossible de perdre quand tu es dans l'intelligence. Impossible. C'est impossible, absolument impossible. C'est impossible de perdre quand tu es dans l'intelligence. Parce que dans l'intelligence, quand on fonctionne dans l'énergie de l'intelligence, réellement, l'ego n'est pas impliqué. Et c'est parce que l'ego n'est pas impliqué que l'ego se nourrit du produit de l'action créative venant de l'intelligence. Parce qu'il n'est pas impliqué. Il est dans l'intelligence. Puis aussitôt que tu laisses passer de l'intelligence dans tes corps, ta vibration change. Aussitôt que tu laisses passer de l'énergie de l'intelligence dans tes corps, tu es plus riche que tu étais tout à l'heure. Tu es plus conscient que tu étais tout à l'heure. Tu es plus vital que tu étais tout à l'heure. Tu es plus. C'est même que ça marche. C'est pas ce que vous vivez qui est problème. C'est l'interprétation que vous donnez à ce que vous vivez. Que vous ayez le faux cul contre quelqu'un, que vous ayez des mauvais sentiments. Si vous avez des mauvais sentiments, c'est parce qu'il y a des raisons, là. C'est à vous autres d'accepter de l'avoir, le mauvais sentiment. Puis de ne pas vibrer. Non. Wow. Si vous êtes capable de supporter votre vie, si vous êtes capable de supporter votre l'affaire, si vous êtes capable de supporter quoi que ce soit émotivement ou mentalement et de ne jamais vous y attacher, automatiquement, vous rentrez dans l'intelligence. Si vous y attachez, vous allez retomber dans la subjectivité du sentiment ou de la pensée subjective. C'est ça la grande illusion de l'homme. Ils nous mettent de la merde dans le bocal, puis on le sent, puis on se culpabilise, au lieu de le regarder. Ou de le sentir, mais pas se culpabiliser. C'est une illusion! Quand tu détestes ta merde, et que tu culpabilises, tu passes pour un monde, tu prends place, et en fait, c'est ça. C'est ça. Puis d'abord, vous dites, si tu détestes. C'est pas qu'on les déteste, c'est parce qu'on sait pas comment parler. Alors, comme on ne sait pas comment parler, on ne sait pas comment penser. Puis comme on ne sait pas comment penser, on pense mal, puis en pensant mal, on souffre pour rien. C'est pas qu'on déteste notre mère, c'est qu'on déteste la personnalité. C'est pas l'esprit de la bonne femme que tu détestes. C'est la personnalité. Moi, ma mère, je peux pas la sentir. Mais je l'aime bien. Mais c'est sa personnalité que je peux pas sentir. Mais son esprit. Son esprit. C'est subtil. Ça. Mais comme on sait pas parler, on sait pas penser, puis comme on sait pas penser, on souffre mal. Ça peut être là plus le temps qu'il le faut. Quand quelqu'un a tapé 2 heures, ça peut être là. Ça peut passer intelligence. Mais le principe demeure que tout ce qu'on sent, moi je vous l'ai dit une fois, j'ai dit l'homme est bon. Ce qui n'est pas bon dans l'homme, c'est la réflexion. C'est la réflexion dans l'homme qui ne le rend pas bon parce que l'homme, quand il réfléchit, il ne se rend pas bon. Et il souffre de ne pas être bon, puis il se culpabilise de ne pas être bon. L'homme est bon. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'homme est une carte blanche. Même quand l'homme a 20 ans, puis 40 ans, puis 50 ans, puis 60 ans, l'homme est une carte blanche. Mais Christ, l'homme n'est pas capable de le réaliser qu'il est une carte blanche. Aussitôt qu'il commence à penser un peu, là, qu'il commence à philosophiser, puis moraliser, puis tout ça, là, là il commence à teindre, puis à peinturer sa carte. Puis il vit de cette carte-là. Fait que tout le monde a des cartes roses, puis des cartes vertes, puis des cartes bleues. Ça, c'est une des plus grandes illusions de l'humanité. C'est une des plus grandes illusions de l'humanité. Ça, tu peux pas la dépasser, cette illusion-là, tant que t'es pas dans l'intelligence. C'est comme ça qu'on... C'est pour ça qu'on est pogné par les forces astrales. C'est pour ça qu'on n'est pas libre. C'est pour ça qu'on est pogné dans le système. C'est pour ça qu'on est pogné, point final. Il y a pas un autre mandi. Steve. C'est comment ça s'appelle? Bird Reynolds. Il y en a 7 minutes, je t'emmène. Parce que moi, quand je dis quelque chose, moi là, là, moi, quand je dis quelque chose, les forces astrales ou les intelligences inférieures peuvent pas me contredire. Fait que c'est pour ça que moi, je suis safe. Mais vous autres, vous pouvez pas le faire. Parce que pour pouvoir le dire, il faut déjà le savoir. Puis comme vous le savez pas, mais vous vous faites embarquer par eux autres. Voilà ce que je dis. Mandelin donc, c'est vrai que l'homme est carte blanche et bon. Jack. Si, Mandelin donc, si l'homme est absolument bon tout le temps. Il est sans erreur. Il est sans erreur. Ça, c'est pour toi, ça, Charlie. Mais sans votre pipe. Fait que l'homme est sans erreur. Alors, qu'est-ce que c'est qui crée l'erreur dans l'homme? C'est les réflexions, les illusions de toute la patente qu'on connaît. C'est ça qui crée l'erreur dans l'homme. Alors, tant que l'homme n'est pas arrivé à fonctionner en termes d'énergie, il fonctionne en termes de pensée et de sentiment, et c'est ça qui fait que l'homme se pense pas bon. Vas-y, ça, un pape, il va te sauter dans la face. C'est au bout de ça. Quand je parle de l'importance de créer des mots, je viens d'en créer des mots quand je parle avec lui. Là. C'est quand on crée des mots qu'on découvre ce qu'il y a en arrière de l'astral et en arrière des illusions. Si on n'est pas capable de créer des mots, on ne saura jamais rien. À ce moment-là, on les pense. Ça se pense pas, ça. Faut que tu crées le mot. Faut que tu descendes d'énergie ici. Puis tu crées le mot. Alors, l'homme est lumière. L'homme est lumière. Mais il faut que tu crées le mot. Et quand tu le crées, par exemple, ta responsabilité de supporter. C'est ça. Le discernement, puis toute la patente. Parce que quand tu parles, tu parles. Si tu parles à un public, si tu parles à un gouvernement, si tu parles à l'allemand, c'est évident que tu vas avoir du feedback. Tu es mieux d'avoir les épaules solides. Mais on ferme ta gueule. L'homme n'a pas besoin de connaître. Il a simplement créé des mots et il saura ce qui est. Mais il faut pouvoir créer des mots. Ça veut dire canaliser l'énergie. Fait que si l'homme est bon, carte blanca, bon, absolument bon, imaginez-vous qu'on est loin d'être conscient. Hein? À parce qu'il faut avoir du cœur au ventre. Puis de l'acier dans l'esprit pour réaliser qu'on n'a pas de défaut puis pas de qualité. Faut être mauditement centré. Fait que moi, quand je dis qu'on est totalement ignorant sans terre, je sais ce que je veux dire. Vous allez le découvrir avec le temps, ce que je veux dire. Parce que moi, je vous dis des mots, là, mais c'est avec le temps, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est écœurant. C'est de la chiennerie. C'est ça, l'évolution. Fait que demande-toi pas pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui pense que je suis l'antéchrist, c'est normal. Au moins, je suis pas un petit truc de cul, je suis un gros truc de cul. C'est pour ça qu'il faut souffrir tant. C'est pour ça qu'il faut souffrir tant pour créer des mots. Tu peux pas créer des mots pour pas souffrir. Parce qu'aussitôt que tu crées des mots, tu détruis l'ordre universel pour en créer un autre. Fait que si tu détruis l'ordre universel, tu as détruit tous les plans. Physique, astral, tout, mental, inférieur. Il n'y a rien, il n'y a plus rien qui tient parce que c'est un nouveau cycle. C'est ça le cycle de la lumière. Les enfants de la lumière, appelez ça comme vous voulez. Westinghouse, whatever. C'est ça que je dis, il ne s'agit pas pour l'homme d'être bon. Il l'est déjà, il s'agit d'être intelligent. Mais ils nous ont enseigné tout le temps d'être bon. Puis il n'y a personne d'intelligent, fait qu'on a tous été décanés. Nietzsche, il l'avait, d'être. Il était fait une diatribe contre la christianité. Je te dis qu'il l'avait, là. Il l'avait, pas d'enflet. Il est 8 ans. Mais il faut être intelligent pour savoir que ce qui s'est passé dans le passé, c'était bon, c'était nécessaire, puis là, c'est un autre pain de manche. Penses-tu qu'un égo qui est seul, un petit gars qui est seul, puis qui pense, même s'il est bien philosophe, tu penses-tu qu'il va pouvoir créer des mots suffisamment parfaits puis survivre? Non, il craque. Parce que c'est bien beau créer des mots, mais quand tu crées des mots, faut que tu sois totalement libre des mots que tu crées la minute que tu écris. Si tu restes avec un petit feedback de ça, là, si ça revient, si tu crées des mots ou si tu fais une action créative, puis ça reste dans ton émotif ou ton mental, ça va te créer une souffrance. La beauté de créer des mots, c'est que quand tu écris, t'es oublié. C'est ça ta sécurité. Qu'est-ce qui fait que ça reste? Que ça peut rester? Ce qui fait que ça reste, c'est qu'on nos corps sont pas ajustés, ils ne sont pas cristallisés, on n'est pas. Tu sais, c'est pas tout ajusté. Avec le temps, ça s'ajuste, puis il n'y a plus rien. C'est. Tu crées un mot, tu crées une action. Pourquoi c'est ça, tu fais quelque chose, ça s'est fait. Comment tu peux dire? Ça revient comme un leitmotiv, comme une rengaine. C'est fatigant. Avec le temps, ça part. Ouais. C'est comme ça que les corps s'ajustent. Mais au moins quand on le sait. Il faut le laisser passer, il faut lutter contre ça aussi. On développe une résistance avec le temps. Tu ne peux pas te conscientiser et ne pas souffrir. C'est impossible. Ça dérange. Ça dérange. C'est, ben oui, effectivement, ça dérange. La twist? Tu peux pas comprendre ça que l'homme est bon parce que toi, t'es trop émotif dans ta pensée pis t'es pas capable de saisir l'importance de ta personne en relation avec le sentiment de ta personne parce que le sentiment de ta personne est couvert par l'intelligence de ta pensée que tu comprends pas. Comprends? OK? Puis, le gars, à un moment donné, tu viens tanner. Là, tu arrives, là, tu mets le temps, tu dis bonheur, bénin, là, tu y passes en affaire, là, tu continues à travailler. Le gars est bien gentil, mais à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose entre toi et lui, là, tu y passes, tu continues à travailler, il est bien gentil. Bon, il me semble, je veux dire, là, tu dis ça, là, moi, ça me dit, je me dis, faut-tu arriver, puis être soit épais, puis laisser le gars faire dans son ignorance, ou le dire, puis ça part. Non. Quand je dis, moi, là, que l'homme est bon. Je veux pas dire, quand je dis que l'homme est bon, je veux dire que ce qui rend l'homme pas bon, c'est son inconscient. Les illusions qui lui ont été imposées de l'extérieur. Si l'homme avait jamais eu contact avec la matière, il serait demeuré bon. Mais c'est son contact avec la matière, la fermeture de sa perception à cause des sens, qui l'ont rendu pas bon, parce qu'une fois qu'il a perdu contact avec l'éther, l'homme a été obligé d'assimiler ce que les sens lui donnaient et de corriger constamment l'intelligence qu'il avait des sens avec le sentiment intuitif qu'il avait de l'intérieur. Et il a jamais pu totalement le corriger, de sorte qu'il a toujours vécu de plus en plus au cours des millénaires une déformation, puis une déformation, puis une déformation, puis aujourd'hui la déformation est au bout. La guenille tout croche. Quand je dis que l'homme est bon, je veux dire que si l'homme n'avait pas été contaminé de l'extérieur, autrement dit, je veux dire que le mal n'est pas dans l'homme. Le mal est imposé à l'homme par des formes, parce que l'homme a de l'émotivité et des pensées subjectives qui sont liées à son émotivité. Si l'homme n'avait pas ça, il serait bon. Parce qu'il serait conscient. Quand t'es conscient, t'es bon. Comme lui, c'est dur pour lui de se réaliser comme bon. C'est dur pour lui, là, de pouvoir aller chercher cette affaire-là. L'homme se définit par ses attitudes. L'homme se définit par ses attitudes, puis il y a des attitudes bonnes et mauvaises, exactement. Mais l'homme est bon. Mais pourquoi lui, c'est difficile? Parce que son pas bon est lié à des valeurs qui sont extrêmement sensitive. Délicate. Puis ça prend beaucoup de force mentale pour les mettre la hache dans ces valeurs-là, pour leur enlever l'émotivité. Après ça, il pourra commencer à se réaliser comme n'étant pas bon. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est à point, hein? C'est pour ça que je dis, pour se réaliser. Ah, ça, c'est intéressant. Il dit que c'est pas important pour nous autres de se voir bon. Ce qui est important, c'est de ne pas se voir pas bon. Quand tu te vois pas bon, tu commences à te voir bon. Si tu te vois bon, tu vas créer des attitudes, là, tu vas être pas bon. Mais si tu te vois pas bon, tu vas te découvrir comme étant bon. Tu comprends ça? Tu as dit que t'as une attitude qu'il faut au moment où il sort, c'est fini, tu regardes pas avec une réflexion de toi-même. Exactement. Exactement. Puis alors, c'est ça que c'est. Il faut que je m'explique en profondeur. Parce que si je dis quelque chose, si je dis bon, ben l'homme est bon, puis tu essaies de te découvrir comme bon, mais tu ne seras pas capable de te découvrir bon parce que tu ne peux pas te découvrir bon tant que tu n'as pas réalisé que tu n'es pas bon. C'est quand tu as réalisé que tu n'es pas bon que tu te découvres bon. Autrement dit, c'est pour ça que la psychologie de l'intelligence est très différente de la psychologie subjective de l'homme. Un homme change une forme pour en découvrir un autre, pour en faire un autre. Mais quand tu rentres dans la psychologie de l'intelligence, tu changes pas une forme pour une autre. Tu détruis complètement les formes pour créer d'autres conditions qui te permettent de comprendre les formes avec lesquelles tu vivais avant. Et de t'en détacher de sorte de te voir totalement libre de ces formes-là. C'est pour ça que mon parler, les gens disent, mais je suis pas capable de parler comme toi. Les gens sont pas capables de parler comme moi parce que moi, je parle pas comme l'homme parle. Et c'est le fait que je parle pas comme l'homme parle qui fait que je joue pas le jeu de l'homme. Et c'est comme je joue pas le jeu de l'homme, ben, ça me permet d'amener l'homme en dehors de son jeu. Fait parce que c'est pas une façon intellectuelle de dire que l'homme doit découvrir ou doit réaliser qu'il est pas bon. Un intellectuel dirait, on parle comme du monde. Tu comprends? C'est pour ça que mes cassettes, si je prenais mes cassettes et je voudrais faire des livres avec ça, je serais obligé de les faire traduire d'une langue, puis les refaire traduire d'une autre langue, pour éliminer toute la vibration de mon langage pour qu'il reste simple le matériel philosophique. Sans ça, les gens vont dire, c'est pas le diable, ça va être niaiseux, ça. L'homme est pas bon. Comment est-ce que je veux dire ça? En tout cas, faut que l'homme se réalise comme n'étant pas bon. Quand l'homme se réalise comme n'étant pas bon, il commence à se réaliser comme étant bon. C'est ça, l'affaire. C'est même ça marche. Parce que quand tu te réalises comme n'étant pas bon, ou que tu te réalises comme n'étant pas bon, tu commences à être intelligent. C'est là que tu commences à être intelligent. Dans ton niaisage, tu t'aperçois que t'es pas niaiseux. Ouais. Peut-être que tu dis que l'homme est pas pour l'homme. C'est l'homme actuel. Quand je dis que l'homme n'est pas encore homme, je veux dire que l'homme ne s'est pas complété, c'est-à-dire que l'homme n'est pas passé du stage de se penser pas bon au stage de bon. Autrement dit, l'homme n'est pas passé du stage de l'intelligence. Il n'est pas arrivé au stage de l'intelligence, c'est rien. Il est au niveau de l'intelligence subjective. Quand tu as commencé, l'homme, sur les plans invisibles, était bon. L'esprit de l'homme était bon. Mais l'esprit de l'homme n'avait pas suffisamment évolué pour prendre de l'expérience. Mais il était bon. Mais pour que l'homme puisse devenir ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain, il fallait que l'esprit descende en matière. Il fallait que l'esprit prenne de l'expérience. Il faudrait qu'il passe par le stage d'être pas bon pour développer l'émotion puis le mental. Pour entrer ensuite dans le supramental où il n'y a plus de pas bon, il y a rien que du bon, mais créatif, intelligent, humain, centrique, lié entre la terre et les temps supérieurs. Que l'homme ne peut pas se réaliser comme prépersonnel, il faut qu'il réalise qu'il est pas. Bon, ben ça, c'est intéressant. L'homme ne peut pas se réaliser comme prépersonnel parce que l'homme n'est pas capable de se voir bon. C'est rien que quand tu es capable de te voir bon que tu es capable de te réaliser comme prépersonnel. Parce que quand tu te réalises comme étant bon, tu ne te réalises plus en tant qu'ego. Fait que quand tu te réalises plus en tant qu'ego, tu te réalises comme étant prépersonnel parce que l'intelligence avec laquelle tu te réalises n'est pas la tienne, elle n'est pas égocentrique, elle n'est pas égoformée, elle est canalisée dans l'ego. Fait qu'à ce moment-là, tu reviens encore à la pré-personnalité, mais de qui? Là, juste à repenser. Quand tu réalises que t'es pas bon, quand t'arrives à la pré-personnalité de l'ajusteur repensé, parce que t'es translucide, à ce moment-là, tu découvres ta vraie personnalité. Alors, la vraie personnalité de l'homme, dans le fond, c'est la manifestation de la pré-personnalité de l'ajusteur repensé à travers de ses principes intérieurs. C'est ça, la vraie personnalité de l'homme. C'est en découvrant ce que t'es pas que tu découvres ce que t'es. Mais tu peux pas saisir ce que t'es avant de découvrir ce que t'es. C'est en découvrant ce que t'es pas que tu découvres ce que t'es. Ouais. Ouais. C'est juste. C'est à cause de pas écouter. Hein? C'est à cause de pas écouter. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant, cette affaire-là. L'affaire de pas bon. Vous êtes capable de vous réaliser comme pas bon encore à votre stage, là? Ouais. Vous commencez, là. C'est bon pour vous. Ouais. C'est bon. Vous. Êtes-vous capable? Des fois. Toi, tu n'es pas capable encore. Hein? Tu es capable? Hein? Hein? Toi? Pauline? Tu es capable? T'es ambivalente encore. Ouais. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Toi, Daniel, es-tu capable? tu es capable de te réaliser comme étant pas bon. Wow. Parce que ça nous allège énormément. Ça nous allège énormément. Ça nous donne totalement une nouvelle psychologie. Ça nous donne une autre intelligence. C'est tout en relation avec l'émotivité. Tout. Parce que ça prend une sorte de force intérieure pour accepter ça. C'est un dépassement parce qu'on a toujours le doute de nous-mêmes, le doute. Puis le doute, c'est une vibration qui est le jeu entre le mental et le supramental, le mur. Une fois que tu as dépassé ça, t'es correct. Là, tu commences à respirer. Parce que si je sais que je suis pas bon, c'est peut-être que j'ai la crainte, peut-être que je vais me prendre pour un autre. Bon, whatever. Il y a toutes sortes de mécanismes qui vont vous empêcher de ça. Parce que tu pourrais appeler ça la culture de l'ego sans pureté. Pureté d'ego, parce que pour moi, le mot pureté, là, il pue. Je suis pas capable de concevoir de pureté sans puanteur. J'ai l'esprit de contradiction. Ouais, ben les mots, tu sais... La carte blanche. Ouais. Ouais. Dans. C'est un tacton. Hein? C'est ça, l'homme est en attaque, tout ce qu'il se lit, c'est extérieur à lui. Voilà. Mais ça, ils disent que c'est des connaissances qui nous viennent maintenant, à la fin du 20e siècle. C'est des connaissances qu'on n'aura jamais, pu vivre avant. Parce que ces connaissances-là, pour les vivre, il faut les souffrir. Tandis qu'avant, bien, tout nous était donné par les moyens les plus opportuns, que c'était la philosophie, la théologie. Tandis qu'aujourd'hui, on n'y reçoit plus de même. On y reçoit. On a quelque chose qui donnait l'impression que tout au départ, on était sale. Donc, on était pas bon. Le tâche. Je suis en Comment c'est le fait que la personne de passer du Nazaré, que celui du Nazaré, ses personnalités peuvent se figurer avec la personnalité du Nazaré? Mandat d'homme. Parce qu'il a été trop intelligent. Puis il ne devait pas être intelligent, il devait juste venir ici pour donner à l'homme ou faire connaître à l'homme l'amour. Aussitôt qu'un ajusteur de pensée fusionne avec un être, il y a intelligence sur la terre. Et il ne devait pas y avoir intelligence, il devait y avoir explication de l'amour. Si le Nazaréen avait été fusionné, il serait vraiment mort. Parce qu'il aurait été trop dans l'intelligence, il aurait été trop dans la psychologie de son temps, il aurait trop compris, il aurait trop vu. Alors, il ne serait pas mort. Alors, pour qu'il vive son expérience et pour que son expérience serve, il fallait que certaines conditions soient retenues. Mais après, ils l'ont fait la fusion. Ils ont fait la fusion après sa mort. Mais pas pendant sa vie. Pour qu'il puisse vibrer de l'âme. Vibrer à l'âme qui n'est pas bon. Hein? Vibrer à l'âme qui n'est pas bon. Pour faire comprendre à l'homme l'importance d'aimer. Ça, c'est le centre de son message. C'est pour ça qu'il a fait une fusion et non pas une fusion. C'est ça. Exactement. Parce qu'aussitôt qu'il y a fusion, il y a des centres d'intelligence sur le planète. Parce que s'il y a fusion, il y a des centres de l'amour. Mais ça servait dans ce temps-là, comme ça sert aujourd'hui, mais c'est un plus tard que l'homme comprendra. tous les aspects de ça. Mais aujourd'hui, maintenant que l'homme est prêt, l'homme a besoin d'intelligence pour ensuite réellement savoir qu'est-ce que c'est l'amour. Mais s'il n'était pas venu, on n'aurait pas eu la civilisation qu'on a eue. C'était bien important qu'il vienne. En plus du fait que ça a ouvert les circuits universitaires qu'on n'aurait pas eu aujourd'hui. C'était d'ailleurs sa grande tâche l'ouverture des circuits universitaires. C'est là qu'il y a eu un tort en entier. Oui. Oui. Maintenant, au final, tu parlais des étapes d'amour, non? Tu parlais des quêtes de soins, des vêtements, des soins de travail. On dit que les besoins sont lamentés ou primaires, sont aimés et aimés, évidemment, pour le premier choc. Ils viennent avant tout, ils aiment et d'être aimés. C'est en part tout, pour les choses, que tu as pratiqué que. Ce que vous avez besoin sur la terre, c'est de l'intelligence et de la patience et de la volonté. Vous n'avez pas besoin d'être aimé. Être aimé, c'est une illusion de votre pur esprit, c'est une nécessité, ça fait partie du conditionnement émotif de l'homme, ça fait partie de votre insécurité. Vous n'avez pas besoin d'être aimé. Il y a déjà de l'amour là où il y a de l'intelligence. Là, vous n'avez pas de besoin. Si vous n'avez de besoin, automatiquement, vous empiétez sur l'énergie de l'autre. Là où il y a intelligence et volonté, dans votre vie, vous organisez votre vie pour les changements de vos corps. Dans les terres, l'amour, c'est notre affaire. Mais sur la terre, vous n'avez pas besoin d'être aimé. Vous l'êtes déjà. Si vous l'êtes, parce que si vous avez un lien intelligent avec une personne, il y a déjà de l'amour. Mais si vous avez besoin d'amour, vous allez y enlever de l'énergie. Parce que là, vous allez nourrir l'insécurité de votre ego. C'est pour ça que les hommes sont tous en amour, puis ils veulent tous être en amour. Mais être en amour, puis vouloir être en amour, puis tout ça, ça fait partie de la possession. Puis avec les changements vibratoires, un jour, vous ne pourrez plus être en amour. Mais il y aura entre vous et vos partenaires de l'amour, mais ça ne sera pas de l'en amour. Ça ne sera pas émotif, ça fera partie de votre esprit à chacun. Tu ne peux pas être fusionné et être en amour avec ta femme. Tu peux être fusionné et être dans l'énergie qui canalise l'intelligence, la volonté de l'amour. Sans ça, vous êtes un devient la béquille de l'autre. Mais ça, il ne faut pas se concentrer avec ça, parce que ce sont des conditions vibratoires qu'on réalise au fur et à mesure qu'on se conscientise. Parce que plus on se conscientise, plus on se détache émotivement. Moins on a de sentiments, mais plus on est capable de donner de l'énergie qui est de l'amour. Parce qu'on devient moins sécure, plus sécure, puis plus libre, exactement. L'amour humain, c'est du vampirisme. Délicat. C'est vouloir vivre de l'énergie de la personnalité plutôt que de l'énergie de son esprit. C'est vouloir vivre de l'énergie de la personnalité de l'autre. Pour sécuriser la nôtre. Plutôt que de l'énergie de son esprit. Quand tu vis de l'énergie de ton esprit, ta femme vit de l'énergie de son esprit. Tu n'as plus besoin d'être en amour avec elle et elle avec toi. Une perte de temps, ça fait avoir. Parce que tous les deux ont accès à la même énergie, autrement dit la même intelligence, autrement dit la même volonté, autrement dit le même esprit. C'est juste une harmonie vibratoire. C'est une harmonie vibratoire parfaite. Bon, au moins, vous ne coupez pas les ailes. Sans parler du tronc. Mais ça, je vous parle de ça pour demain. Faut pas faire des attitudes avec ça. Sans ça, vous allez pâtir. Votre mari va pâtir. Mange ta belle femme. Comment ça va, vous? Là? C'est belle à soi. Ça va? question, c'est ça dans ta vie qui ont été bien savoir. Est-ce que les portes historiennes existaient avant que l'apparition de Lucifer? Faut que t'en arrives, toi, à plus t'occuper de ça. Quand tu vas arriver à plus t'occuper de ça, là, tu vas commencer à comprendre autre chose. Tu vas pouvoir commencer à créer des mots. Mais si tu t'en occupes, tu vas parler des mots. Parce que tu vis dans ta mémoire. Faut que tu crées des mots. Quand tu créeras des mots, quand tu pourras créer des mots, tu verras que tout ce qui a été donné à l'homme, c'est simplement un voile pour cacher le réel. Tout. Il faut que tu comprennes que les livres qui sont écrits pour les hommes sont des œuvres créées par des intelligences en évolution. Et qu'un jour, l'homme ne devra pas vivre des livres créés par des intelligences en évolution, mais devra être lui-même dans l'intelligence. Et à ce moment-là, les livres qui auront été écrits pour les hommes par les intelligences en évolution serviront les hommes et tu ne les toucheras pas. Mais il te sera permis de créer des mots pour ouvrir d'autres horizons au-delà des livres qui ont été écrits par les hommes, par des hommes en évolution. Les auteurs s'identifient comme des membres de la hiérarchie. Ils font partie de la hiérarchie, mais dans la hiérarchie, il y a des corps d'enseignants. Et ce sont les corps d'enseignants qui dirigent la politique de l'intention dans l'univers. Et c'est la politique de l'intention qui est la plus haute des formes de régie dans le cosmos. De sorte que il est permis à des êtres de parler d'une certaine façon pour permettre qu'il y ait chez l'homme une certaine évolution. Mais il est aussi empêché à des êtres de parler d'une certaine façon ou d'une autre façon parce qu'ils ne sont pas capables. Autrement dit, tu parles toujours selon ta capacité de parler et la capacité de parler dont tu as ou avec laquelle tu travailles est toujours en convenance avec le secret de toi-même et de juste de penser. Je dis qu'après 1984, ce que je vois écrit en 84, ce ne sera pas nécessairement pour. Les ésotéristes. Ça va être plutôt pour les nations, pour les peuples. Si jamais j'écris quelque chose qui va au-delà de la cosmogonie, ça ne sera pas écrit. Il sera matérialisé. Et il ne sera pas dans le public. Ce sera les bases d'une science nouvelle. Et les gens auront accès à cette base-là par vibration. Parce que la cosmogonie, elle est là, et elle a été placée là, et elle sert, et elle ne doit pas troubler. Et je ne peux pas troubler ce qui est fait, parce que je fais partie de ce qui est fait. Fait que je peux pas troubler mon activité. Il y a des choses qui ne peuvent pas être transmises à l'homme dans la cosmogonie, en ce qui me concerne. Parce que ça fait partie de mes activités. Mais ce qui peut être transmis à l'homme dans la cosmogonie, ça a été très bien fait. Mais ça a été fait avant que. Oui. matériellement parlant. Tu regardes dans Cosmovenie, tu verras que ceux qui ont écrit, ceux qui ont donné la Cosmovenie ne savent pas exactement sous quelles conditions, dans quelles conditions et quand. Doit venir sur le plan matériel. Celui que j'appelle le régent planétaire. Ça part. C'est pas deux affaires. C'est de mes affaires. C'est pour ça que les maîtres ne le savent pas, les maîtres ne le reconnaissent pas, les maîtres. Les gens doivent le découvrir par eux-mêmes. De saisir par eux-mêmes, mais ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon activité. Et ces choses-là ne sont pas... Ça, en tout cas, oui. Justement, à part de ça, c'est de l'être. Oui, mais ça, c'est des interprétations psychologiques de la vertu, de la spiritualité dans les mondes spirituels. Non, ça. Il y a une moitié ça. C'est pour ça que j'en parle pas. Ou ceux avec qui j'en parle le savent par leur propre intérieur. Sans ça, ça créerait de la personnalisation, ça créerait quoi que j'ai. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'on entre dans le cycle de l'inconnu. Que sur le plan matériel, ce que je représente en tant qu'avatar, c'est le principe de l'intelligence sur la planète Terre. Pas le principe de l'amour. Il est déjà établi.